The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de Chacun sa voix. C'est Chris et dans cette émission, mon envie est de mettre en lumière les métiers de la voix, notamment celui de comédien de doublage et voix off, hein, et qui sont souvent considérés comme des métiers de l'ombre entre guillemets. Hein. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais reçu Olivia Luccioni, comédienne de doublage et directrice artistique, entre autres. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, je reçois par Skype une autre comédienne de doublage et une autre directrice artistique. Elle en est au tout début de cette phase de son métier. On en parlera durant toute cette émission. C'est Laura Blanc qui est là pour nous parler de sa carrière et de tout ce qu'elle fait. Donc, bonjour Laura. Bonjour Chris. Comment ça va ? Ça va super bien, je suis super contente que tu m'aies invitée. Eh ben, je suis super content que tu aies répondu présente finalement et qu'on ait réussi à trouver un créneau avec un petit peu ton planning qui est pas mal chargé, on va pas se mentir. C'est sûr, mais bon, j'ai de la chance on va dire, c'est cool. Bien sûr. Donc tout d'abord, avant de commencer à parler de ta carrière à proprement dit, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Que dire, ben, je suis Laura, j'ai toujours été comédienne en fait, et voilà, et j'ai rencontré le doublage, je devais avoir 23-24 ans, et l'histoire dure depuis un petit moment maintenant, on va dire. En effet. Et dans cette émission, nous allons du coup détailler ton CV, que ce soit en tant que comédienne de doublage notamment, et le début de ta phase directrice artistique entre autres. Est-ce que ça te va comme programme ? Mais bien sûr, je me laisse faire, tout va bien. Super. Donc, j'allais te demander depuis quand tu es comédienne en général ? Waouh, mais moi j'ai commencé, j'avais 8 ans quand j'ai tourné pour la première fois dans un film. Ok. Qui s'appelait Voulez-vous un bébé Nobel avec Darry Cole. Je lui donnais la réplique à l'ouverture du film. D'accord. C'est 2 jours de tournage pour moi, ça représentait un moment sympa et rigolo. Je te dire que j'avais conscience de tout, je ne crois pas, mais j'avais quand même conscience qu'on faisait un film. Mais si tu vois le truc aujourd'hui, je suppose que ça a terriblement vieilli et tu me verrais, j'ai plus de dents et... D'accord. Et voilà. Mais c'était une super expérience. Et puis, j'ai eu, du coup, j'ai eu une autre expérience après. Un petit peu de manière indirecte, puisque j'ai tourné dans le clip de mon papa. Mmh. Je n'avais pas 15 ans, j'allais avoir 15 ans un mois après. Et dans le troisième clip de mon papa, qui en fait est auteur-compositeur-interprète, oui. Il s'appelle Gérard Blanc. Mmh. Il est décédé maintenant, mais voilà, ça fait 14-15 ans maintenant. Et donc à l'époque, j'ai tourné dans son troisième clip qui s'appelait Sentiments d'océan. D'accord. Et là, il y avait un réalisateur qui s'appelle Michael Schock, que je salue. Et toute une équipe de tournage assez dingue. On a tourné à Quiberon pendant une semaine. C'était hyper pro. Moi, je me suis jetée là-dedans parce que j'avais envie de passer du temps avec mon papa et aussi toute cette aventure m'excitait beaucoup. Mais il y avait tellement, t'imagines tout ce qu'il y a sur un tournage. Bien quoi. Sûr. On était hyper entourés, il y avait même un hélicoptère qui nous filmait en haut de la falaise, enfin bon, c'était dingue. Et j'ai tellement aimé tourner, c'était dingue. Et après, suite à ça, en fait, j'ai dégoté un agent. Mmh. Et j'ai commencé à passer des castings. D'accord. Avoir des petits tournages, pas des trucs géniaux, hein, mais des petits trucs pour la télé, des tout petits rôles. Je faisais ça, mais je savais pas trop en fait. J'étais quand même encore à l'école, donc je faisais ça un petit peu à côté, quoi. Mmh. Et puis quand j'ai eu 19 ans en fait, et que la question s'est vraiment posée, et que vais-je faire de ma vie ? Et moi qui fuyais en fait ce truc-là depuis le début, je crois que je voulais tout faire sauf artiste. Comme métier, j'avais peur de faire, enfin de me l'avouer à moi-même et puis de faire un peu comme mes parents, puisque ma mère aussi est dans un domaine artistique, on en parlera peut-être après. Mmh, bien sûr. J'ai fini par m'avouer que, que j'avais été piquée par tout ça, en fait, assez jeune, et que ça me plaisait. Et donc, je me suis dit, je vais faire les choses sérieusement. J'ai commencé à rentrer au cours de théâtre à 19 ans, et après, d'autres cours de théâtre, et machin, et bidule, et chouette, et voilà. Ok. Donc ça, c'est du coup pour, on va dire, le côté comédienne en général. Et du coup, le doublage, tu nous as dit que tu as commencé le doublage à l'âge de 23 ans à peu près. D'accord. C'était en 97. Oui. Oui, alors il se trouve que pendant ce tournage du troisième clip de mon père, l'histoire racontait deux jeunes personnes qui tombaient amoureuses l'une de l'autre. Et l'autre comédien qui avait été choisi par Michael Schoch, avec qui il avait déjà tourné d'ailleurs dans un film, c'était Fabrice Josso. Ah oui, en effet. Voilà, Fabrice Josso. Bien sûr. Fabrice Josso, également comédien de doublage. Oui, comédien qui a beaucoup tourné aussi, étant enfant, étant jeune, et qui a tourné très longtemps, et qui a aussi fait énormément de doublage, donc. Et donc, on s'est retrouvés, je devais avoir donc 22-23 ans, il m'a dit « mais viens assister, tu verras bien si ça te plaît ». C'était pas comme aujourd'hui, si tu veux, c'était pas fermé, mais si tu veux, aujourd'hui on est pris par plein de règles de sécurité, de confidentialité. À l'époque, beaucoup moins, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, donc en fait on devait même, pour commencer dans le doublage, on devait aller traîner un petit peu dans les studios et surtout se taire, écouter et apprendre. Et répéter dans le noir, éventuellement en silence. Et puis peut-être avoir la chance que quelqu'un vous dise « Tiens, il manque une phrase là, vas-y, lève-toi et marche, quoi. » Ou plutôt parle et fais-le. Et donc j'ai assisté, mais pendant des mois avec Fabrice, qui a eu plus que la gentillesse de m'emmener avec lui sur des séries et... Et donc, je revenais pas de tout ce que je découvrais, quoi. C'était incroyable. En plus, toutes ces voix qui avaient bercé mon enfance, tout à coup, elles étaient devant moi en train d'évoluer. Voilà, c'était dingue pour moi, c'était un choc. Et évidemment, il y a eu ce fameux jour où il a manqué quelqu'un pour dire un mot à la barre. Et où Catherine Lafond, que je ne remercierai jamais assez, a dit « Laura, est-ce que tu veux bien la faire ?» Et je me suis levée, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Et donc je dis toujours dans les interviews, maintenant les gens qui connaissent ils savent, mais ma première phrase c'était « la police est déjà là » et voilà, et ça a commencé comme ça. Voilà, tout à fait. Donc Fabrice Josso, hein, comme tu l'as dit, qui est également directeur artistique aussi, en plus d'être comédien, et qui est entre autres, je crois, la voix française de Jensen Ackles, par exemple dans Supernatural, ou encore dans Smallville, dans laquelle tu as prêté également ta voix, mais on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Et donc, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier de comédienne? Mais c'est un truc de fou quand même, ce métier. Parce que je ne sais jamais ce que je vais vivre, ce que je vais faire le matin quand j'arrive en plateau. Est-ce que je vais être une méchante? Est-ce que je vais être une gentille? Est-ce que je vais rire, pleurer? Est-ce que je vais faire un truc de science-fiction qui n'a rien à voir avec la vie de tous les jours? C'est génial. C'est génial parce qu'en fait, le doublage t'offre des rôles que tu chopes pas forcément quand tu tournes, parce que il y a un tel débit et tout que tous les jours tu changes de costume, j'ai envie de dire. Donc c'est un exercice de dingue. Et puis, il faut pas oublier, on joue la comédie, on s'amuse. Donc je joue tous les jours à jouer un personnage différent, quoi. Oui, c'est ça. Et quel métier offre ça? Voilà. C'est ça, tu arrives sur un plateau, dans un studio de doublage, et finalement, c'est le même métier, mais finalement, tu fais tous les jours, comme tu le dis, un rôle différent, que ce soit avec une actrice ou encore une autre actrice, ou même dans les films d'animation ou autre. Et du coup, comme tu l'as dit, tu as arpenté des écoles de théâtre, etc. Donc, est-ce que tu dirais que faire du théâtre et ou arpenter des écoles sont indispensables, voire presque impératives pour faire du doublage, ou est-ce qu'on peut apprendre le métier de manière autodidacte? Mais il ne faut pas oublier que le doublage est avant tout un métier de comédien. C'est impossible de faire ce métier si on n'est pas comédien. Oui. Parce que même si certains auront dit qu'on fait un métier de karaoké, bon, moi, j'ai jamais été d'accord avec cette version-là des choses, parce qu'on joue, on interprète. C'est une autre manière d'interpréter, ce sont des sentiments, ce sont des situations de gens dans les séries, les films, peu importe, des gens qui vivent des choses terribles, géniales. C'est des émotions, en fait. Mmh. Et nous, en fait, nous, on est juste une espèce de traducteur des émotions dans une autre langue, avec toutes les contraintes qu'on connaît sur le doublage. Bien sûr. Et bien sûr qu'il faut être comédien avant tout pour faire ce métier. C'est indispensable, nécessaire et obligatoire, quoi. Mmh. Oui, parce que du coup, même finalement, le mot apparaît dans le métier comédien ou comédienne de doublage, que beaucoup appellent toujours à tort, entre guillemets, doubleur ou doubleuse. Mais je crois savoir que ça, le côté doubleur, c'est finalement un doubleur, c'est un studio de doublage. Bah, un doubleur, c'est... Alors, moi, j'aime pas trop ce mot non plus. Alors, doublure, c'est celui qui fait la doublure lumière sur un plateau de cinéma. Mmh. Doubleur, moi, j'aime pas trop ce mot. Comédien de doublage, je suis pas fan non plus. D'accord. Mais comédien en doublage, pourquoi pas ? Parce que comédien au théâtre, comédien au cinéma, comédien à la télé, mmh. Comédien en publicité, voilà, c'est comédien. Oui, donc du coup, on va rester sur le mot comédien, comédienne. Et du coup, tu es plutôt une comédienne de l'ombre, entre guillemets, hein, je veux dire principalement par là que tu es principalement du coup active dans le doublage et moins à l'image. Donc selon toi, est-ce que être dans l'ombre te laisse davantage de liberté dans ton jeu ? Non, ça n'a absolument rien à voir. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que quand on est connu, on est arrêté dans la rue, tout ça, c'est ça que tu veux dire ? Entre autres, oui. Je pense que quand il s'agit de travail, qu'on soit connu ou reconnu dans la rue ou pas, à un moment donné, quand il y a rouge ou action, on y va. Donc, de toute façon, tu reviens toujours à la source, le travail. Mmh. T'es là pour quoi, le boulot, comédien, voilà, hop, t'y vas. Moi, si j'étais connue dans la rue, ça me gênerait pas, parce que ça voudrait dire qu'on me voit plus à l'écran. Oui. Mais... non, mais ça changerait rien pour moi. Je m'en fiche de tout ça, moi. Enfin, voilà. D'accord. Non, non, ça change rien. Ok. Donc là, du coup, on va laisser planer un petit peu encore le suspense. Là, on entend juste, du coup, ta voix comme dans le doublage normal. Et si des auditrices et auditeurs sont fans d'une certaine actrice du nom de Jennifer Garner, peut-être que ta voix ne leur est pas inconnue. Mais avant de nous replonger un peu plus dans ce côté du doublage, je te propose de nous lancer dans la première pause musicale que tu as choisie. Laura, nous allons écouter une autre histoire, un célèbre morceau de Gérard Blanc, un bel hommage que tu as souhaité rendre à ton père, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. A tout de suite sur Radio Gemozo. On oublie tous les barrages qui nous empêchent d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé, quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musique qui se danse pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça encore une fois. Et nous sommes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission Chacun sa voix. Et nous sommes toujours en compagnie par Skype de Laura Blanc, comédienne de doublage entre autres, hein, qui est là pour nous parler de sa carrière et de tout ce qu'elle fait. Ça va toujours ? Ah ouais, ça va super. Moi, je me lasse jamais d'entendre cette chanson, d'écouter encore la voix de mon papa qui me manque tellement. Bien sûr. et voilà. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire quelque chose parce que il se trouve que aujourd'hui, en fait, ma maman a écrit un bouquin sur mon papa qui vient de sortir, mais sur les réseaux, enfin sur les réseaux, sur Internet, quoi. Et donc, je voudrais dire à tout le monde que, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, c'est gratuit. Ça se lit sur le téléphone ou sur un ordinateur si on va taper une adresse qui est donc gérardblanc-inédit. Mmh, d'accord. Et ben, on tombe sur un bouquin qu'on peut lire comme ça, online. Et voilà. Et en fait, c'est assez marrant parce que, en fait, c'est parti d'une histoire simple, c'est que j'avais demandé à maman de me raconter, d'écrire, parce que ma mère écrit beaucoup, elle a aussi beaucoup chanté, elle est aussi était comédienne, enfin, plein de choses, photographe, auteur et tout. Et donc, je lui avais dit, écoute, maman, toutes les histoires que tu me racontes, les anecdotes sur papa et les Martin Circus, puisque mon père était aussi le chanteur-leader du groupe des Martin Circus, j'avais peur de les oublier. Je lui avais dit, écoute, maman, écris-moi ça sur papier. Et puis, en fait, elle l'a fait en un jet comme ça et c'est devenu et à la fin c'est devenu un bouquin en fait et on s'est dit pourquoi pas le partager avec les gens que ça intéresse et du coup bah voilà pour ceux que ça intéresse en ligne vous pouvez trouver ce bouquin avec à chaque fois une petite anecdote et une photo à côté illustrant un petit peu cette anecdote voilà donc c'était un bel hommage que ma mère je tiens à la féliciter et lui dire que je suis super fière de ce qu'elle a fait comme travail là-dessus et que ça me touche beaucoup. Voilà. Voilà c'est donc, tout ce que j'avais à dire. Donc, ta maman Leslie Jane, qui a voulu rendre hommage à Gérard Blanc. Oui, ma maman, et qui elle a partagé 22 ans de sa vie quand même avec mon papa. Ouais, c'est, en tout cas, c'était un bel hommage. Je connaissais bien sûr cette chanson. Une autre histoire, c'est une célèbre chanson que je pense que à peu près tous nos auditeurs et auditrices connaissent, je pense. Qui passait dans les années peut-être 80 ou 90. C'était une belle chanson. Et donc, juste une dernière chose, oui. Je tiens à remercier Aurélien qui a aidé ma maman pour ce site parce que franchement, il a fait un chapeau de fou. Et j'arrête, on ferme le chapitre, mais voilà, c'était important de le dire. Bien sûr. Voilà. Donc on va reprendre cette émission, comme je l'ai un petit peu teasé avant d'écouter Gérard Blanc. Tu es entre autres la voix française de la célèbre actrice Jennifer Garner, entre autres, hein, tu prêtes aussi ta voix à d'autres actrices dans des films et des séries télé. Et Jennifer Garner, c'est dans la majorité de ses films et de ses séries que tu es sa voix française ? Écoute, oui quand même, hein. Il faut dire que je les ai quand même tous faits je crois à peu près, sauf un ou deux. Le premier que je n'ai pas fait, c'était Pearl Harbor, mais je faisais Kate Beckinsale. Mmh. Voilà, comme ça, je ne pouvais pas être au four et au moulin. Et un autre, je ne sais pas, j'en ai jamais vu la couleur en France. Peut-être qu'il a été doublé ailleurs, je ne sais pas, pour le coup. Mais je crois franchement que, ouais, je les ai tous faits. Mmh. Voilà, donc du coup, ça fait bonnement 20 ans que tu la doubles maintenant. Oh, peut-être même plus. Ouais, plus de 20 ans. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut dire que tu es quelque part sa voix française officielle. Écoute, je pense que je suis référencée comme ça. Oui, c'est clair. Au bout d'un moment, on va dire les choses comme elles sont. Oui, oui, oui, oui. Oui, je suis pas à l'abri que demain ce soit quelqu'un d'autre. Bien sûr. Mais ouais, bon, quand même, j'ai fait. Je sais pas, je les ai pas comptés, mais ouais, je les ai tous faits. Donc. Et justement, vu que tu doubles Jennifer Garner dans, on va dire, tous ses films et toutes les séries dans lesquelles elle apparaît, est-ce que tu as besoin de repasser des essais à chaque fois ? Écoute, non, mais ça m'est arrivé. D'accord. Ça m'est arrivé récemment pour un film avec elle, donc, mm-hmm. où j'étais obligée de repasser des essais. Truc de fou, donc au départ, j'avais pas spécialement envie, j'ai dit non, franchement, là, c'est un peu... Pourquoi, en fait, j'ai fait tellement de films. Si vous avez envie de changer, je peux comprendre. Mais en même temps, si vous voulez vérifier, ben, vous pouvez voir tout ce que j'ai fait. Mais on a repassé les essais et j'ai été re-choisie. Voilà. Et est-ce que tu te souviens du tout premier film dans lequel tu as doublé Jennifer Garner ? Ouais, c'était pas un film. Alors attends, est-ce que c'était le film ou la série d'abord? Je l'ai doublé. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait. On voulait prendre la même comédienne parce qu'il y avait et un double téléfilm qui s'appelait Aftershock à New York. Je crois que c'était l'histoire d'un tremblement de terre. Mmh. Et une série qui s'appelait Time of Your Life. D'accord. Où elle n'était pas le rôle principal, mais le rôle secondaire. Et donc, il fallait que ce soit la même comédienne. Donc, j'ai été castée et j'ai été choisie. Et ça, c'était bien avant Alias. Et oui. Et ensuite, quelques années après, ou je ne sais plus combien de temps, ouais, un an ou deux après, y a eu la série Alias. Oui. Et en fait, qui était dirigée par Pascal Vital, qui faisait passer des essais. Et elle a appris au dernier moment que j'avais déjà doublé cette comédienne. Donc, elle m'a appelée un peu comme ça sur le tard, en me disant, écoutez, il y a des essais demain. Ça serait bien que vous soyez libre. Il y a telle et telle date d'enregistrement. Est-ce que vous êtes libre? Bah moi, il se trouve que j'étais libre. Mmh. Et donc j'étais rajoutée en quatrième position et j'ai été rechoisie. Voilà donc une belle histoire du coup. Oui. Comme je l'ai dit en début d'émission, ou c'était peut-être en off avant qu'on prenne l'antenne, je ne sais plus, ta voix m'a accompagné pendant une grande partie de mon enfance, notamment dans le film qui date de 2003, Daredevil, avec Ben Affleck, qui est doublé par Jean-Pierre Michael, qui est déjà d'ailleurs intervenu sur nos ondes aussi, Jean-Pierre Michael, et justement Jennifer Garner, où tu la doubles et où elle joue le rôle d'Electra Nachos. Donc du coup, en 2003, là j'imagine que tu as dû passer des essais pour... Alors, non, pas pour ce film-là. D'accord. En fait, au départ, le directeur artistique ne savait pas vraiment que c'était moi qui l'avais doublé. Il s'en fichait un peu. Bon, il a le droit. Hein, on n'est pas obligé d'être toujours sur le coup de savoir qui double qui quand on est directeur artistique. Mais en fait, non. Après, on m'a tout de suite appelé pour faire ce film sans essai. Voilà, donc là, c'était le directeur artistique, donc le DA, comme on peut dire. C'était Jean-Pierre Dora pour ce film. Et c'était au célèbre studio de doublage, les Dubbing Brothers. Oui. Voilà. Parfait. Avec Jean-Pierre Michael ou encore Saïd Amadis qui doublait du coup le regretté Michael Clark Duncan ou encore Boris Rehlinger, qui apparaît, enfin qui double aussi Colin Farrell dans ce film. Et pour ce film-là, justement, est-ce que vous avez tous doublé en même temps ou chacun de votre côté? Non, là on était séparés. D'accord. Non, avec Jean-Pierre, je me souviens avoir fait Pearl Harbor, par contre. On était tous les deux à la barre, ça c'est sûr. Mm-hmm. Mais pour Daredevil, non. Non, je crois qu'on était... Je ne sais pas pourquoi on a enregistré séparément. À l'époque, ça ne se faisait pas trop. Maintenant, ça se fait un peu plus. Oui. Parce qu'on ne doit pas se chevaucher pour des questions de mix. Et aussi parce qu'il y a eu le Covid. Hein. Bien sûr. Mais ça revient, là, maintenant. Ça revient. Mais non, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était sa manière de travailler à Jean-Pierre Dora. Voilà, je ne sais pas. Mais justement, quand tu doubles du coup un film ou une série avec d'autres comédiens et comédiennes, mais que vous n'êtes pas ensemble, comment ça se passe? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Parce que par exemple, est-ce que tu doubles ton personnage, ton rôle, et l'autre rôle est muet? Ou ça se passe comment? L'autre rôle est totalement muet, d'accord, bien sûr. En tout cas, quand tu l'enregistres. Si la personne a été enregistrée avant toi, à l'écoute, une fois que tu as fini d'enregistrer ta boucle, tu vas pour l'écouter et tu entends la réponse de l'autre et là tu fais non, ça se répond pas, c'est pas bien. Mm-hmm. Donc tu finis ton travail. Mais ça arrive aussi très souvent qu'on soit les premiers sur la bande et que du coup c'est l'autre qui devra se caler sur toi. Donc on enregistre dans ces conditions, on se fait la réplique en fait dans sa tête, on a les yeux qui vont partout, tu sais, toi t'es concentré sur ton jeu, sur ce que t'as à jouer, et en même temps il y a toujours un petit œil à côté qui va voir la réplique de l'autre pour pouvoir bien lui répondre. C'est un jeu, encore une fois, de comédien. Voilà. Bien sûr, et donc justement, donc Jennifer Garner dans Daredevil, également dans, on va dire, la suite entre gros guillemets de ce film Elektra, sorti en 2005, c'était aussi toi qui faisais Jennifer Garner. C'était toujours chez les Dubbing Brothers et le directeur artistique, c'était toujours Jean-Pierre Dora. Enfin voilà, tu as accompagné Jennifer Garner pendant beaucoup d'années, tu l'accompagnes encore aujourd'hui. Donc justement, elle incarne des rôles très différents, mais qu'est-ce que tu tires de chacun des doublages que tu fais sur Jennifer Garner? Moi, je l'ai vue depuis, même dès le début, même sur Time of Your Life, le premier truc dans lequel j'ai doublé, quoi. Elle avait un panel de jeux assez dingue. Mmh, et, c'est vrai. À 360 degrés, quoi, franchement. Et donc, c'était très prometteur. Et donc, voilà, moi, cette comédienne, Elle est plus qu'aboutie en ce qui me concerne. Après, elle fait des choix qui sont plus légers ces dernières années, quoique j'en viens toujours au film Dallas Buyers Club, où tu sais, ce que je dis toujours, c'est qu'elle est toujours dans le bon film qui va bien avec le, tu sais, le truc oscarisé, oui. Bien comme il faut, où il y a le bon rôle au bon endroit, au bon moment. Voilà, où elle fait vraiment tous les rôles possibles, je trouve. Voilà. Voilà. Et donc, justement, en tant que comédienne, est-ce que c'est pas trop compliqué de t'adapter au rôle, finalement, de l'actrice originale, car en tant que comédienne de doublage, tu es, du coup, au service, finalement, de l'acteur ou de l'actrice. Et est-ce que, même toi, en tant que comédienne, c'est pas trop compliqué de t'adapter au jeu de Jennifer Garner ou des autres actrices, hein ? Non. C'est difficile quand le comédien a pris 60 kilos, que sa voix a changé, ou alors que dès le départ, on n'était pas dans une logique peut-être de rapport d'âge. Mais en fait, on a vieilli ensemble. Oui. C'est ça la bonne nouvelle, on a le même âge, je crois, tu vois. Donc, elle n'a pas vraiment changé. Non, franchement, pour moi, on a évolué à peu près pareil. Donc, en fait, le changement, il se fait de la même manière, au même moment. Et est-ce que justement, à force de doubler une actrice, tu finis par la connaître presque par cœur ? Oh oui, c'est ça qui est aussi très agréable, franchement. Et surprenant aussi, parce qu'ils peuvent te surprendre. Enfin, elles Bien peuvent sûr. Me surprendre parfois. Où je me dis, ah, je ne l'attendais pas là. Ouais, c'est super ce qu'elle fait. De toute façon, je le savais, c'est une super comédienne. Mais mais c'est génial d'avoir rendez-vous avec un comédien, une comédienne pour moi, de savoir que tu as été convoquée pour tel film, que tu vas retrouver telle actrice. Mm-hmm. Tu ne sais pas forcément pour quel film. Tu ne sais pas ce qu'elle va y faire. Mais c'est chouette comme rendez-vous, bien sûr, que c'est toujours un bonheur de retrouver les comédiennes que tu aimes doubler, pour lesquelles tu te sens à l'aise dessus. C'est que du bonheur. Bien sûr. Et justement, des fois, ça arrive très régulièrement, quand il y a des rôles d'enfants, ça peut arriver justement que ce soit des femmes qui prêtent leur voix pour un petit garçon, par exemple. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ? Oh, moi, ça m'est arrivé pour du dépannage, mais non. J'ai pas cette corde-là à mon arc et c'est pas grave. En fait, ça, je l'ai pas. Alors, ça m'est arrivé, en dépannage, voilà. Mais sur des petites choses, hein, pas sur des personnages et des rôles récurrents. Non, surtout pas. Non, c'est quand même particulier comme travail. Il faut tenir la longueur, tenir la distance. Si tu veux, c'est quand même, il faut être crédible. Oui. Et, tu sais, ces dernières années, on a quand même plutôt eu tendance à vouloir employer des vrais enfants parce que ça peut parfois s'entendre. Il y a des super comédiennes qui y arrivent très très bien et qui sont super bien là-dedans. Et il le faut parce que parfois il y a quand même des rôles un peu violents avec des enfants. Donc c'est bien que ce ne soit pas forcément des enfants qui le font. Mais non, il y a un créneau pour des gens qui ont cette voix particulière ou qui ont cette capacité de le faire. Moi, je ne l'ai pas forcé. Ce n'est pas une évidence, si tu veux. Bien sûr, là, quand tu parle de ça, ça me fait directement penser à une autre célèbre comédienne de doublage, Brigitte Lecordier, oui. Qui prête sa voix à des enfants, comme dans la série, par exemple, les films Dragon Ball. C'est Brigitte Lecordier, donc une femme qui fait la voix de Sang-Gohan, je crois, tout petit, en fait. Donc elle est très douée dans ce domaine-là. C'est incroyable ce qu'elle fait. Ah, oui. C'est incroyable. On ne se pose pas la question. Non, mais quand je te dis, il y a vraiment des gens qui sont faits pour ça. Voilà. Oui. Moi, je n'ai pas cette corde à mon arc. Mais voilà, elle, c'est formidable. C'est dingue ce qu'elle fait. Ah oui. Et qu'est-ce qui diffère entre un doublage de film au cinéma et un doublage de téléfilm ? Est-ce qu'il y a une différence ? La différence au niveau du travail, alors en fait, la seule différence, c'est le temps. D'accord. Donc pour un 35, il y a plus de moyens, il y a plus de temps. L'enjeu est plus gros, si tu veux. Donc on va prendre le temps de refaire autant de fois qu'il faut les scènes, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'il faut. Pour le ciné, quoi. Mais le téléfilm, c'est sûr qu'on a moins de temps. En revanche, l'outil qu'on utilise est toujours le même, ça part toujours du même endroit, c'est les émotions, c'est les situations, le jeu de comédien, d'acteur. Donc ça ne change pas, si tu veux, pour nous. C'est juste le temps qu'on nous accorde pour travailler. Et justement, tu as utilisé un terme très intéressant pour les auditrices et auditeurs qui ne sont pas forcément, on va dire, connaisseur du domaine du cinéma et du doublage, tu as utilisé le terme un 35. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Un 35 mm, c'est la bande quoi, qu'on utilise pour filmer au cinéma. Mm-hmm. On appelle ça nous, notre jargon, on fait, je fais un 35 là. Voilà. Voilà, c'est bien. On apprend des choses dans cette émission aussi. Et dirais-tu que chaque film ou chaque série doublée, c'est un nouveau challenge à relever, même si tu doubles une actrice que tu connais bien ? Mais bien sûr. Ah ben, c'est... À chaque fois que j'arrive sur un plateau, j'arrive à maîtriser un peu plus maintenant, mais j'ai un peu la boule au ventre, parce que oh, qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Il y a tout ça qui se joue quand même. Hein. Est-ce que je vais arriver à faire ce qu'on me demande ? Est-ce que je vais remplir le personnage ? Oui, est-ce que je vais réussir à être le plus fidèle possible à la comédienne ? Non, ce sont des enjeux toujours... tous les jours, on remet le compteur à zéro, c'est vrai. Donc c'est stressant, mais j'imagine aussi que c'est un petit côté excitant de ne pas savoir sur ce que tu vas faire finalement. Évidemment, bien sûr. Oui, oui. Et en tant que comédienne, est-ce qu'il t'arrive de moduler ta voix pour tes différents rôles ou est-ce que c'est simplement ta voix, on va dire, normale ? Bah, en règle générale, on ne module pas. D'accord. Enfin, moi, en tout cas, je ne cherche pas à moduler. Il est vrai que selon les personnages que tu dois incarner, ta voix, elle change naturellement. Des fois, on me dit « Ah, mais vas-y, fais-moi Cendrillon » ou « Fais-moi fais-moi Jennifer Garner », mais je suis parfaitement incapable de le faire, en fait, parce que là, je te parle avec ma voix de Laura, je ne réfléchis pas à la manière dont je dois te parler, tu vois, c'est ma voix. Bien sûr. Et c'est vrai que la voix, elle change selon la comédienne. Moi, j'adore quand on vient me dire, et c'est toujours le meilleur des compliments qu'on puisse nous faire à nous quand on fait du doublage, c'est « Oh là là, dis-moi, je t'ai pas reconnu. » Pourtant, on connaît ma voix, tu connais ma voix, voilà. Mais quand on te dit « je t'ai pas reconnu », ça prouve bien que le travail du comédien, il est là, quoi. Ça veut dire qu'on a inconsciemment adapté sa voix au service du personnage, tout à fait. C'est ça, bien sûr. Mais finalement, dans les films avec Jennifer Garner, comme tu as cité son nom, la voix que tu donnes, entre guillemets, à Jennifer Garner se rapproche beaucoup de ta voix de Laura. C'est vrai, je pense aussi, ouais. Bah, comme je te disais tout à l'heure, on a à peu près le même âge. Il n'y a pas eu, dans ses rôles, même dramatiques, j'ai pas eu besoin d'aller chercher des trucs plus... ma voix a changé. Non, il y a une comédienne pour laquelle on m'a dit souvent, mais je t'ai pas reconnue, c'est bête, mais c'est Maura Tierney dans Urgence, que j'ai doublé pendant 8-9 ans. D'accord. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais je savais pas que c'était toi, enfin, je t'ai pas reconnue. C'est vrai que la nana, elle est un peu plus âgée que moi, déjà, dans la vie. Mais il y avait une certaine logique qu'on ait pensé à moi pour la doubler, j'avoue, il y a quelque chose dans la mâchoire, il y a quelque chose dans l'énergie, qui fait que c'était pas dénué de sens, en tout cas, qu'on ait pensé à moi. Et ma voix, probablement, elle change avec elle, ouais. Ouais, y a des comédiennes qui me font changer ma voix, mais c'est pas conscient. C'est pas du tout conscient. Mmh. Mais est-ce que, du coup, c'est important, tu penses, d'avoir des similitudes, que ce soit physiques ou autres, avec les actrices que tu doubles ? Pas toujours, mais franchement, je pense que ça aide. De toute façon, les directeurs artistiques, quand ils pensent à toi pour une comédienne, il y a toujours une raison, si tu veux. Enfin, parfois, ça peut être le bas du visage, mais moi, je trouve que c'est intéressant, le bas du visage, parce que dans le bas du visage, il y a quoi ? Il y a la mâchoire. Oui. Nous, notre souci, c'est la mâchoire, c'est la diction, c'est comment les sons vont sortir de cette mâchoire. Et ça va donc se rapprocher, bah, probablement, ça va avoir une sonorité... En tout cas, qui va faire écho à la comédienne d'en face, quoi. Et parfois, c'est une silhouette, mais quand même, il y a quelque chose. Moi, je trouve, j'aime bien cette histoire de penser que il y a quelque chose dans la mâchoire qui fait qu'on peut avoir, qu'on peut produire des sons et des énergies similaires. Enfin, l'énergie, ça vient d'ailleurs, mais quoique, je ne sais pas. D'accord. Exactement, ouais. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pas dénué de sens. Mmh. On est déjà à 37 minutes d'émission. Avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer tout de suite dans la deuxième pause musicale que tu as choisie, hein, Laura, pour rappeler un petit peu à nos auditrices et auditeurs. Dans toutes mes émissions, je laisse mes invités choisir les pauses musicales et la playlist musicale de la dite émission pour que justement l'émission en question leur corresponde au mieux. Et pour cette deuxième pause musicale, tu as choisi Rema et le morceau intitulé Calm Down, un morceau qu'on a déjà entendu à plusieurs endroits, je pense, quand même assez connu. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. A tout de suite sur Radio Gemozo. Another banger, baby, calm down, calm down. This your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, you got me like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, shawty, gon' give me your lo, lo, lo. Who you gonna phone for? Mm-hmm. When you know I come for? Mm-hmm. Then I start to feel a bum bum. Mm-hmm. When she dey give me small small one, I know say she sabi pass it down one one. Mm-hmm. When she feeling insecure, cause her friends go dey come and light ching go. Mm-hmm. Go dey come and light ching go. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh, young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh. You got me like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Shawty, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. As I reach my house, I see me got a small one. Nous sommes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission Chacun sa voix. Vous venez d'écouter Calm Down de Rema et nous sommes toujours en compagnie par Skype pour avoir la meilleure qualité audio possible de Laura Blanc qui est là pour nous parler de tout ce qu'elle fait. Hein, Laura Blanc, comédienne, et directrice artistique entre autres. Est-ce que tu passes un bon moment dans notre compagnie, Laura ? Oh oui, et puis je voudrais dire aussi que j'avais choisi cette chanson pour mes enfants, mes deux enfants d'amour, parce que c'était notre chanson des vacances de l'été, pas dernier, mais de celui d'avant. Et à chaque fois, ça met du soleil, je trouve, quand ça passe. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi cette chanson. Eh bien écoute, si tes enfants nous écoutent actuellement, on leur passe le bonjour. Et on va poursuivre cette émission, hein, voilà, on a encore... plein de temps, ça tombe bien. Est-ce que un acteur, une actrice, un comédien ou une comédienne t'a inspiré en tant que justement que comédienne de toi-même? Oh, mais tout le temps, en fait. D'accord. Tout le temps, je suis inspirée par les comédiennes. Parce que tu sais, à force de voir une scène, de la travailler, de la revoir, en la faisant même, tu redécouvres des sensations, tu redécouvres, en fait, ce qu'a voulu faire le comédien, enfin la comédienne. Moi, je les étudie beaucoup quand je travaille, du coup. Oui. Je décrypte un petit peu... Et puis surtout les grandes comédiennes, c'est dingue. Enfin, ça te nourrit, oui, bien sûr. Ah oui. Et justement, aux côtés d'autres comédiens ou comédiennes de doublage, là aussi, tu apprends des choses? Oh, bah oui. Est-ce que j'apprends des choses des copains? Oui, bien sûr. Beaucoup de choses dans le travail. On a tous notre approche, donc en fait, il y a des gens qui travaillent différemment de toi, donc forcément, ça peut être aussi une source d'inspiration, de te dire, lui, il est beaucoup plus dans la concentration, par exemple, je ferais bien d'en faire autant, ou lui, il est plus dans la déconnade, ça aide aussi, c'est une autre forme de détente, en fait, ou parfois tu te dis tiens j'aurais pas fait ça comme ça et en fait tu te dis comment il a trop bien vu le truc, j'aurais jamais pu aller aussi loin ou tu vois bien sûr les copains sont très intéressants et importants et on a besoin de travailler ensemble hein, c'est sûr, c'est mieux bien sûr. Ensuite, nous en avons parlé dans la première partie d'émission. Hein, tu es la voix française officielle de Jennifer Garner, mais pas que. Tu es aussi la voix française, comme tu l'as dit un petit peu, de Kate Beckinsale dans Pearl Harbor, entre autres aussi dans les films Underworld, depuis le premier film en 2003, pour ne citer que, parmi tant d'autres. Et n'as-tu pas peur, justement, que les téléspectateurs ou ceux qui vont au cinéma se retrouvent un peu surpris d'entendre ta voix sur deux grandes actrices, entre autres, comme Jennifer Garner et Kate Beckinsale, et presque, finalement, les confondent leur personnage ou autre? Je crois pas, parce que c'est pas le même jeu, ni l'une ni l'autre, déjà. D'accord. Tu vois, je réfléchis, je me rappelle pas avoir fait des films d'époque ou des films un peu comme a pu faire Kate Beckinsale. Non, écoute, je pense que... Enfin, pourquoi se poser la question avec moi alors que le doublage existe depuis si longtemps et qu'on ne s'est jamais posé la question avant avec les autres? C'est vrai. Je me pose pas cette question-là. Non. Oui, puis aussi pour un petit peu donner mon point de vue aussi de spectateur, moi je suis aussi un grand consommateur du coup de tout ce qui est film au cinéma ou autre, et un autre comédien de doublage que j'ai déjà reçu et qui me vient en tête directement, c'est Donald Reignoux. Il a une voix tellement reconnaissable que quand on l'entend et quand il ne modifie pas sa voix et quand on l'entend sur un autre personnage, un autre acteur, on sait que c'est lui, mais ça ne va pas forcément nous perturber. Non, parce qu'il il interprète. Il joue la comédie et que c'est un super comédien. Oui. Et que je l'adore et que je l'embrasse d'ailleurs. Je suis allée faire son émission Stream VF la semaine dernière. C'était trop bien. On a bien déconné. Parce que c'est un super comédien, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de secret. Et que là encore, même si on reconnaît sa voix, peut-être, comme on peut reconnaître la mienne et celle des copains, elle change quand même un peu. Même comédien, c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes rythmes. On s'adapte, hein. On change encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que notre voix, elle peut quand même changer en fonction du comédien, elle peut varier. Alors, probablement, c'est sûr qu'il y a des moments, les spectateurs vont dire ah bah tiens, mais ce serait pas la voix d'eux. Oui. Oui, mais ils sont plutôt contents de nous entendre et de nous retrouver en général. Bien sûr. Alors, Donald Reignoux qui est vraiment aussi une personne très, très sympathique, qui avait gentiment accepté mon invitation, je crois que c'était en 2021. Faire une petite émission avec lui, c'était très, très sympathique. Et Stream VF, une émission également de qualité. Je conseille toutes nos auditrices et tous nos auditeurs à regarder cette émission sur YouTube. Vous apprendrez plein de choses et ambiance un petit peu sympathique, tout ça, vous passerez un bon moment. Et puis, il est super pro, hein, Donald. Ah oui, franchement, une autre corde à son arc. Il assure, hein. Ah oui. Il assure. En effet, oui. Même quand on entend, même quand il module sa voix, comme un exemple, genre Titeuf, par exemple, il module sa voix, mais ça rend tellement bien, c'est très... Enfin, voilà, c'est très, très pro, c'est très cool, c'est très sympa à suivre. J'adore bosser avec lui et aussi en tant que directeur artistique, il m'a dirigé sur une série. On s'est bien marré et on a bien travaillé. Et très, très humble aussi. Je pense pas qu'on puisse faire ce métier autrement, en fait. Non, ça, prendre du plaisir, s'amuser, comme tu dis, avec les copains comédiens, comédiennes. Enfin, voilà, c'est un plaisir, c'est un jeu, finalement. Et du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Auparavant, il y a quelques années, vous doubliez tous ou presque tout le temps en même temps. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué avec la crise sanitaire qu'on a eue ou autre. Et qu'est-ce qui change justement entre doubler toutes et tous ensemble et doubler chacun de votre côté? Est-ce que ça change le jeu? Est-ce que ça change l'ambiance? J'imagine que oui, mais qu'est-ce qui change? Ah ouais, bon, bah, au niveau de l'ambiance, je dois dire qu'il y a eu des plateaux assez épiques. Hein. Quand on se retrouvait cinq à la barre, et pas des moindres. Mmh. Parfois, c'est très dur de travailler, on se marre énormément, mais en même temps, c'est extrêmement stimulant et on n'en est que meilleur. Donc, faut savoir, ce qu'on perd, peut-être qu'on le gagne quand même, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on est quand même vraiment beaucoup plus limité, quoi. On est grand maximum deux maintenant à la barre. Ouais, c'est dur, ça fait perdre en jeu, c'est sûr. Hein. On le déplore. Ça revient un peu. Il y a encore des directeurs artistiques qui arrivent à se battre et à obtenir que non, il faut que ce soit fait dans telles conditions. Il y a des séries qui sont impossibles à faire quand on n'est pas à deux. Hein. Moi, j'ai fait une sitcom au sortir du confinement. On enregistrait chacun dans notre cabane avec Cédric Dumont. Je ne me rappelle plus le nom de la série. Et honnêtement, si on n'avait pas pu se donner la réplique, c'était quasiment impossible. Parce que tu sais, en sitcom, c'est du ping-pong, quoi. Impossible de ne pas le faire comme ça. Mais c'est vrai, non, quand même, maintenant, on se retrouve un petit peu. Maintenant, les personnages principaux arrivent à quand même à se donner la réplique. On arrive quand même à le faire maintenant, de nouveau. Et justement, quand vous êtes toutes et tous ensemble, peut-être que ça aide aussi à avoir un meilleur jeu. Ah oui, forcément. Tu me parles, je te réponds, forcément ça aide. Hein. Mais bon, du coup, on a appris à travailler comme ça, c'est-à-dire avec la crise, on a appris à travailler comme ça. Et puis, du coup, on met parfois plus de temps, comme je te disais tout à l'heure. On fait une première prise, on écoute si l'autre est fait. Ah ouais, mais lui, il l'a fait comme ça, faut que je lui réponde mieux. Donc on refait jusqu'à ce que, quand on écoute ça. Ça, on retrouve cette sensation de ping-pong quand on est ensemble, quoi. Oui, c'est mieux quand même d'être à deux, hein, c'est sûr. Bien à sûr. Deux ou trois. Peut-être, là, tu parlais d'une sitcom, d'une série justement avec Cédric Dumont. Est-ce que c'est pas, à tout hasard, The Shrink Next Door? Non, c'était pas ça. Ok, bon, j'ai essayé. Non. Je sais plus, je vais essayer de te le retrouver pendant la prochaine pause musicale. Parce que dans The Shrink Next Door, tu as doublé avec Cédric Dumont. Ah bon? C'est peut-être ça alors. Avec comme acteur Paul Rudd et Catherine Hahn avec les rôles de docteur Isaac Hershkopf et Phyllis Markowitz. Non, je pensais pas à cette série, mais en effet, génial avec Catherine Hahn, mais bien sûr. Oh, mais oui, complètement folle. Ah, j'adore cette série. Ouais, il n'y a eu qu'une saison, je crois d'ailleurs. C'est de bien dommage. Oui, c'est ça. Ça a été diffusé du 12 novembre 2021 au 17 décembre 2021. Oh, qu'est-ce que c'était bien, ça. Ouais. C'était avec Nathalie Régnier en direction. Mmh, absolument. Voilà. Mais c'était pas cette série à laquelle je pensais, mais... Eh oui, tu me rappelles, tu vois, tu connais mieux les dates et les noms que moi. Bon, je me suis un petit peu aidé d'Internet aussi. Hein. ensuite, tu as aussi doublé Christine Kruk dans la célèbre série Smallville, hein, de 2001 à 2011, bien que je ne suis pas sûr qu'elle était dans la série, dans toutes les saisons d'ailleurs. Elle interprétait Lana Lang, et sur cette série, tu étais accompagné de Tony Marot, Damien Ferrette ou encore Edwige Lemoine. Oh oui, bah oui, écoute, que de souvenirs sur cette série. Oui, en effet, elle n'a pas dû faire genre les trois dernières années de cette série. Oui, je crois que c'est ça. Parce que si on connaît bien l'histoire de Superman, à un moment donné, oui. c'est pas Lana, hein, c'est Lois qui l'emporte quand même. Eh oui. Donc ouais, j'ai dû faire 7 ans, je crois, avec elle, là-dedans. Et ouais, mais c'est super, super souvenir. Marie-Christine Chevalier à la direction. On faisait à l'époque un épisode par jour, t'imagines ? Ah oui, en effet. Ouais, c'était à l'époque où on enregistrait encore très lentement, enfin lentement, un épisode par jour, quoi. Mmh. Ouais, c'était génial. Qu'est-ce qu'on s'est marré sur cette série. Là encore, c'était un rendez-vous super. Que dire sur cette série qui a été hyper porteuse aussi. J'ai adoré doubler cette comédienne que j'ai vue s'épanouir et grandir au fur et à mesure des années de tournage et que j'ai retrouvée après dans une série. La belle, comment ça s'appelait ? Beauty and the Beast. Yeah, Beauty and the Beast, que j'ai fait avec Axel Kiner, doublé par Blanche Ravalek, qui est à la direction. Mm-hmm. 5 ans, je crois, quand même. Hein. Ça doit être quelque chose comme ça, oui. Axel Kiner, aussi un très bon comédien de doublage. Et, enfin, un très bon comédien, tout simplement. Et Beauty and the Beast, Axel Kiner, qui prêtait sa voix à Jay Ryan. Mm. Voilà. Absolument. Ensuite, est-ce que justement, c'est une question que j'ai déjà posée lors des précédents numéros de Chacun sa voix, mais j'aime beaucoup recueillir les avis de chacune et chacun. Je crois savoir justement qu'en doublage, vous avez une sorte de devise qui est « rien n'est à personne ». Oui, enfin, c'est pas « rien n'est à personne », c'est « aucun comédien n'appartient à personne ». Ok. C'est vrai qu'il faut quand même comprendre que, en fait, un comédien ne nous appartient pas. Mmh. C'est vrai. Et que, en réalité, quand on nous appelle pour redoubler, même si ça fait 25 fois Jennifer Garner, par exemple, c'est toujours parce que le client est d'accord, parce que la chaîne est d'accord, parce que le directeur ou la directrice artistique est d'accord, et que tout le monde est d'accord pour dire, en tout cas, que ça reste toujours la bonne personne pour doubler cette comédienne. Aujourd'hui encore, dans ce film et pour ce projet. Mmh. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'on dépend du bon vouloir, de l'envie de tout le monde quand on nous rappelle pour doubler une comédienne. Moi, je dis toujours que c'est incroyable. Quand je travaille, chaque jour où je travaille, je me dis, bah, une personne a pensé à moi. Oui, c'est ça. C'est fou. C'est complètement fou de se dire ça parce que je ne sais jamais, en fait, si on va repenser à moi après-demain. Et hop, je suis encore là, et hop, on me rappelle pour elle, on me rappelle pour doubler cette comédienne. C'est presque de l'ordre du miracle à chaque fois, je dois dire. Mais voilà, c'est comme ça. Après, je peux concevoir que ça peut être décevant d'abord pour nous, quand on n'est pas rappelé, qu'on apprend qu'on n'a pas été rappelé pour doubler une comédienne. Parfois, c'est pas grave, parce que peut-être que la rencontre ne s'était pas vraiment faite, elle n'était pas forcément évidente. Mais quand il y a une logique de rencontre de comédien où tu colles bien dessus, où tu la respires, tu sais, tu étais vraiment dans son rythme et tout, puis ça fait tellement longtemps, quand on n'est pas rappelé, sur le coup, ça peut aussi nous blesser, tu vois. Ça arrive, ça arrive, mais ça arrive. Bien sûr. Est-ce que dans ta carrière, tu as déjà... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer plusieurs castings pour plusieurs actrices, plusieurs essais pour plusieurs actrices d'une seule et même série ou d'un seul et même film, comme ça peut parfois être le cas ? Tu veux dire de repasser deux fois des essais pour un produit ? Bah oui, passer deux fois des essais pour un produit, mais sur deux actrices différentes. Ah ! Par exemple... Attends, au sein du même film ? Oui. Oui, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé que... Je ne me souviens plus très bien, mais je sais que je l'ai fait. Où on me dit, tu passeras les essais là-dessus, mais je t'ai aussi appelé pour l'autre parce que j'avais un doute. Mmh. Oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Oui, c'est comme justement, je discutais aussi dans une précédente édition avec Olivia Lucioni, qui m'a raconté qu'elle avait, à la base, elle avait été appelée pour une actrice dans une sitcom aussi, mais que finalement, sur le plateau, dans le studio, le DA, ou la DA, je ne sais plus, a changé d'avis et a dit, bah, finalement, je t'avais appelé pour cette actrice-là, mais finalement, tu vas être sur cette actrice-là. Mais en fait, tu es en train de me rappeler un truc aussi que j'ai vécu. D'accord. C'était pour un film justement avec Catherine Hahn. Okay. Pour un 35. Dix leçons, comment les quitter son, larguer son mec en 10 leçons, je crois, un truc dans le genre. Et en fait, au départ, je venais pour une nana. Et moi, j'étais persuadée que je venais pour Catherine Hahn, parce que je la reconnais à l'écran. Et je dis, mais tu sais que je la double. je dis, mais non, mais moi, en fait, je veux pas passer les essais sur l'autre. Moi, si je fais ce film, je veux faire que pour elle, en fait. Bien sûr. Donc, ouais, je crois bien qu'il m'est arrivé ce truc-là avec Catherine Hahn. Et je l'ai fait. D'accord. Je te propose de nous lancer dans une troisième pause musicale que tu as choisie à nouveau pour un petit peu s'hydrater, un petit peu souffler aussi, laisser souffler nos auditrices et nos auditeurs. Et nous allons écouter... Pardon, tu dis ? Je parle beaucoup, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci, au contraire. Au contraire, nous allons écouter Big Little Lies de Michael Kiwanuka, qui est d'ailleurs, on en parlera juste après, mais qui est, je crois, là, le générique d'une série dans laquelle tu prêtes ta voix à Reese Witherspoon. Donc, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. A tout de suite sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission Chacun sa voix, vous venez d'écouter Cold Little Heart, la version radio-édite, comme on appelle ça, de Michael Kiwanuka, la version originale qui doit durer, je crois, 10 minutes. Donc je me suis dit que j'allais vous passer la version un peu plus courte et nous sommes toujours en compagnie par Skype de Laura Blanc, qui est là pour nous parler de sa carrière de comédienne, entre autres. Est-ce que tu es toujours là, Laura ? Oh oui, je suis là, donc, toujours. Super. Et donc, pourquoi ce choix de musique ? Ah bah écoute, d'abord parce que du coup, grâce au générique de cette série, j'ai découvert ce chanteur et que j'ai beaucoup de morceaux de lui que j'aime beaucoup. Et puis écoute, c'était une occasion rêvée de parler de cette série et de cette comédienne que j'adore suivre, qui est donc Reese Witherspoon quoi. Franchement, voilà, quelle série, non, Big Little Lies quand même. Bien sûr, et qui interprète dans cette série Madeline Martha McKenzie. Et donc, tu es aussi d'ailleurs la voix de Reese Witherspoon dans plusieurs productions. Oui, ben justement, j'avais hésité entre le générique de Big Little Lies et de Morning Show parce que je trouvais qu'elle était bien aussi. Mais non, je préfère quand même celle-là. Ben oui, j'adore doubler Reese Witherspoon. J'ai la chance maintenant que ça devienne très régulier ces dernières années. Et elle m'emmène sur des terrains assez agréables, je dois dire, en tant que comédienne. D'accord. Et dans cette série, justement, tu partages la voxographie, si on peut dire, d'autres grands comédiens et d'autres grandes comédiennes de doublage comme Daniel Drouet, Jessica Monceau ou encore Damien Boisseau ou Olivia Lucioni, pour ne citer que, et même Frédéric Tirmont qui prête sa voix à Meryl Streep et dont elle est aussi la voix française officielle, Reese Witherspoon, justement. Tu la doubles dans d'autres productions, d'autres films également. Tu dis que ça devient régulier. Est-ce que, comme pour Jennifer Garner, on peut dire que tu es la voix française officielle de Reese Witherspoon? Je pense que ces derniers temps, oui, quand même, puisqu'on m'a rappelé à chaque fois. Mais Reese Witherspoon a commencé à tourner bien avant que je commence même ce métier, je crois bien. Parce que moi, je me souviens avoir été la voir au cinéma dans Le Chaperon Rouge, là, quand elle était en prison. Super, ce film. Et m'être dit, waouh, quelle comédienne incroyable. Je ne pensais pas qu'un jour, je finirais par la doubler. Mmh. Non, mais je n'ai pas été la première à la doubler. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Mais un jour, ouais, on m'a appelée pour la doubler. Donc... j'avais dit mais c'est pas moi. On m'a dit bah oui mais c'est comme ça parce que en fait tu correspondras bien pour ce personnage. J'avais appelé l'autre comédienne pour lui dire. Mm-hmm. Apparemment elle était au courant donc et puis bon voilà, ce sont des choses qui se font en tout cas dans notre métier quand il y a des choses un peu comme ça, un peu délicates. Oui, bien sûr. Et puis il s'est passé encore quelques années avant qu'on me la redonne et puis voilà, ça s'est fait un peu de fil en aiguille. Et puis au départ j'en avais un petit peu peur parce que je me suis dit, je connaissais déjà pour moi la grandeur du jeu de cette comédienne et puis je me sentais pas à ma place au départ sur elle. Et puis en fait une fois que j'ai fini par accepter que je me sentais vachement à l'aise en fait sur elle, tu vois, ben, maintenant c'est que du bonheur, hein. J'avoue que waouh. Il y a du jeu, hein. Morning Show, oui. On peut dire qu'elle m'emmène loin aussi. J'adore cette série, j'adore la doubler. Je l'ai doublée dans des produits incroyables. Bien sûr, et Reese Witherspoon qui a commencé sa carrière d'actrice en 1991 dans le film Un été en Louisiane. Et dans ce film, elle était doublée par Alexandra Garigio. Oui, c'est vrai, mais je ne savais pas. Oui. Ah ouais, d'accord. Entre autres, dans ce film aussi, Françoise Cadol ou encore Richard Darbois, hein, le célèbre Richard Darbois. Et justement, là, c'est une question que je te pose comme ça. Alexandra Garigio et Emmanuel Garigio, c'est la même famille? Bah oui, oui, oui, absolument. Ok, voilà, absolument. C'était la petite parenthèse. Donc, Reese Witherspoon, entre autres, on peut aussi t'entendre dans certaines grandes séries de jeux vidéo, hein, comme Sly Cooper, qui s'est étendu de 2003 à 2013, Lyara dans Mass Effect, de 2007 à 2012, ou encore Chloé Fraser dans Uncharted, de 2009 à 2017. Uncharted, entre autres, le personnage de Nathan, qui est doublé par Bruno Schoell, et le frère de Nathan Drake, donc Sam, doublé par Lionel Tua. Et... Oui, que de souvenirs là, tu viens de me faire un petit revival là, ouais, bah ouais, absolument. Voilà, deux comédiens que j'adorerais recevoir aussi, j'adore leur voix, j'adore tout, enfin voilà, je suis un grand passionné de tout ça. Et est-ce Ils que... seraient partants tous les deux, hein, je suis sûre. Pardon ? Ils seraient partants tous les deux, je les connais, ils seraient super partants pour être invités dans ton émission. Bah écoute, j'ai pas encore eu de réponse, je croise les doigts. Après je sais que vous êtes tous beaucoup, beaucoup pris avec différentes productions dans lesquelles vous êtes. Donc voilà, je continue d'espérer. Et mais ça, je n'ai cité que quelques noms de jeux vidéo, mais tu as aussi prêté ta voix dans plein d'autres jeux vidéo. Oui. Oui, absolument. Notamment celui que je viens de finir avec Serge Thirier, mm-hmm. Pour lequel on a fait l'émission de Donald, oui. Qui est hyper connu. Donc, mince, est-ce que je vais y arriver à... Là, tu me demandes tout à coup, alors que je connais que ça. je ne sais plus. Voilà, si on connaît que ça, bon, ça va me revenir. C'est l'émotion. Bon, je peux essayer de t'aider aussi dans ta réponse. Du coup, niveau jeux vidéo, hein, tu as donc tout ça, Chicken Run en 2000, ou encore plus récent dans Lego Marvel Avengers en 2016, l'Uncharted, le Final Fantasy, Dead Rising, etc., etc. Oui. Voilà. Oui. Oui, mon Dieu, mais oui. Oh, incroyable, bah oui, je ne réalise pas tout ce que tu me dis. Oh, et puis même dans des grands jeux, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Need for Speed, Mortal Kombat 1, qui est sorti cette année dans le rôle de Nitara, et plein d'autres. Voilà, merci. Ah, Mortal Kombat quand même, j'ai complètement oublié, voilà, c'était ça que je cherchais. Absolument, la fille qui oublie Mortal Kombat. Voilà, quand même. Mais justement, tu as aussi été voix additionnelle dans plusieurs jeux. Qu'est-ce qu'on appelle des voix additionnelles ? Bah, soit parce que l'autre comédien n'était pas libre, donc c'est toi qui prends le relais. Voilà, voix additionnelle, bah, c'est comme un comédien bis, quoi. Si tu veux, c'est quand l'autre peut pas, tu prends sa place, ou quand il y a eu un souci, ou quelqu'un est mort, ou je ne sais pas. Où le personnage évolue trop et donc on change. Voilà, D'accord. C'est ça. C'est comme une voie de rechange, quoi. Il y a peut-être moins de formalités dans les jeux vidéo. D'accord. Et justement, le doublage d'un film et d'un jeu vidéo sont deux exercices quand même très différents. Dans l'un, tu as une bande rythmo, dans l'autre, tu n'en as pas ou très rarement. Donc, dans lequel des deux registres, tu te sens le plus à l'aise ? Bah, c'est très très difficile les jeux vidéo. Moi je préfère le doublage parce que j'aime bien me raccrocher à la chair humaine. Mm-hmm. Quoique avec les dessins animés, on arrive aussi à faire des trucs incroyables et avec beaucoup d'émotion. Mais le jeu vidéo a ça de particulier, c'est que tu enregistres tout seul dans une cabine avec un casque et un ordinateur avec des phrases pas décousues mais isolées les unes des autres d'un contexte, d'une situation. C'est très difficile de savoir ce qui s'y passe, et donc tu te fabriques ton film pour pouvoir répondre, ou alors il faut se laisser vraiment diriger par le directeur artistique qui lui connaît la trame et sait pourquoi tu réponds ça. Mais c'est vraiment très très dur parce que on enregistre des fichiers nous en jeu vidéo. Oui. Donc, comme je dis toujours, le fichier de 9h30 a la même énergie que le fichier de 18h30. Il faut savoir que parfois on enregistre une journée complète, des phrases, comme ça, sorties de nulle part, presque sorties de nulle part, dans un contexte qu'on ne connaît pas. Donc, il faut interpréter quelque chose, en tout cas. Bien sûr. C'est vachement dur, le jeu vidéo. Ça demande une énergie colossale. Et puis, parfois, on a aussi les contraintes, parce qu'il faut rentrer dans des fichiers, parce qu'on sait qu'en fait, finalement, quand ça va paraître à l'image, il y aura une certaine longueur à respecter. Non, c'est vraiment très très dur les jeux vidéo. Parfois, il faut respecter même la forme d'onde à l'intérieur du fichier, même, tu vois. Des fois, tu as la libre, tu fais juste début, fin, tu peux faire ce que tu veux, interpréter comme on te semble à l'intérieur. Mais parfois, tu as des contraintes à l'intérieur du fichier. Ça, c'est quand même encore un autre travail. Et là-dedans, bien évidemment, il faut quand même juste éventuellement pas oublier le jeu. Oui. C'est quand même là pour, là qu'on, c'est mieux. Pour ça qu'on est là. Oui, parce que comme tu dis, dans un film ou une série, donc c'est une bande rythmo. Donc la bande rythmo, pour nos auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément, c'est le texte en fait qui défile sous l'écran avec une barre en bout de bande et qu'il faut du coup prononcer la phrase, le mot, la parole quand le texte arrive sur la barre à la verticale et avec du coup les différentes intonations, par exemple réac BO, c'est réaction bouche ouverte, réac BF, réaction bouche fermée, etc. Et dans un jeu, c'est plutôt une forme d'onde, comme tu l'as dit, qu'il faut respecter au mieux dans certains cas. Quelles sont, selon toi, les compétences essentielles pour devenir un bon comédien ? Un bon comédien, quoi ? En doublage ou un bon comédien Là, vu qu'on est dans le doublage, bon comédien ou comédienne en doublage ? Doublage. Bah, les compétences. Oui. Ben, je dirais la disponibilité et l'humilité aussi, parce que, en fait, nous, on est là pour rendre aux comédiens son interprétation, ce qu'il a voulu faire. Donc nous, il faut qu'on soit disponible pour juste et respecter ce qu'a voulu faire le comédien à travers le choix du réalisateur et la demande du réalisateur. Mais voilà, nous, on est vraiment là pour rendre hommage et rendre au comédien son jeu, le plus proche possible de la vérité, de la réalité, tout en connaissant nos contraintes à nous. Donc la qualité, c'est savoir s'effacer suffisamment et en même temps y mettre aussi pas que son interprétation, mais surtout l'interprétation de l'autre. Oui. Et puis, être humble, parce que c'est pas nous qui l'avons joué quand même, il faut être honnête. Il faut rendre à César ce qui est à César, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, mais, bien sûr. Après, il faut y mettre de la vérité, de la sincérité. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il existe un processus, on va dire, typique de doublage d'une actrice, d'un acteur ou d'un personnage de jeu vidéo ou de dessin animé? Un processus, c'est-à-dire une manière de travailler? Oui, une manière de travailler, une manière de... avant de se lancer, par exemple, dans le doublage, qu'est-ce qui se passe, en fait, avant? Est-ce que vous visionnez la scène plusieurs fois? Comment ça se passe, en fait, en général? Quel est l'envers du décor? L'envers du décor, t'arrives à 9h30 le matin, tu découvres qu'en fait, ça va être un drame, par exemple. Mm-hmm. parfois, on commence par la fin. Comme en tournage, hein, d'ailleurs. Donc, il faut t'en remettre au directeur artistique qui, lui, connaît la trame, le fil conducteur du travail qu'il aura à fournir. C'était quoi la question? Est-ce qu'il existe un processus typique d'un doublage? Quel est l'envers du décor? Est-ce que vous visionnez la scène plusieurs fois? Comment ça se passe, en fait, avant d'être à la barre, devant l'écran, et de se lancer dans l'aventure? Oui, quand c'est un personnage principal, quand même le directeur artistique, avant de démarrer, va te dévoiler l'histoire. Il faut que tu saches quand même quel est le contexte, pas forcément tout ce qui va se passer, parce qu'il y a des choses peut-être que tu n'as pas besoin de savoir ou qu'il vaut mieux pas que tu saches pour ne pas te perturber ton jeu, parce qu'il y a un cliffhanger, tu vois, un retournement de situation. Mm-hmm. Oui, en fait... On s'en remet au directeur artistique, hein. Tu vois ce que je veux dire, on est un outil, nous, dans ses mains, en fait. Bien sûr. Et on va visionner autant de fois que nécessaire normalement, mais parfois le temps ne nous le permet pas. Mm-hmm. Donc ce qui peut arriver, que parfois tu vois que c'est pas tout à fait ça, le doublage, parce que il a fallu qu'on dise suite et qu'on avance et qu'on se contente de la deuxième ou la troisième prise. Alors que, pouf, à la quatrième, t'aurais été formidable. On a aussi nos problèmes, nous, tu sais. Bien sûr. Voilà. Justement, en parlant de problèmes, comment tu as géré, ou même comment tu gères encore, les moments de doute ou les auditions, les castings non réussis dans ta carrière? Waouh, ça, c'est de la question. Non, mais c'est marrant que tu me poses cette question maintenant. C'est très dur, hein. Il faut être honnête. Bien évidemment qu'il y a des moments où tu te dis où vais-je, où suis-je, mais pourquoi, non, ça va pas, je suis nulle. Non, mais il n'y a qu'un moyen, hein, c'est le travail. Voilà, de reconnecter à la source, au jeu, quoi. Et donc, justement, là, tu vois, je viens de faire un workshop de cinéma pendant 3 semaines pour les tournages, quoi, tu vois, où, comme justement, je suis un petit peu à l'arrêt à ce niveau-là avec le doublage, je ne savais plus très bien ce que je pouvais représenter à l'image et comment gérer la peur que tu peux avoir quand tu passes des castings, parce qu'il faut quand même comprendre que quand on passe un casting... Tu perds un peu tes moyens aussi, bien parfois, sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est un vrai sujet. Hein. Il faut travailler, il faut s'exercer, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas d'autre solution que d'être dans le moment présent et d'oublier tout ça aussi, toute cette pression. À un moment donné, il faut s'en foutre et il faut y aller, quoi. C'est le moment présent. D'accord. Avant d'aborder ton côté directrice artistique, je te propose de nous lancer dans la quatrième pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois, le célèbre chanteur Bob Marley, avec son morceau célèbre également, Could You Be Loved. Et on se retrouve juste après pour poursuivre encore cette émission, encore un petit peu. A tout de suite sur Radio Gemozo. Super. Un petit peu de reggae dans cette émission de Chacun sa voix avec Bob Marley et son célèbre morceau Could You Be Loved, pourrais-tu être aimé en français. Vous êtes donc de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission Chacun sa voix. Et nous sommes toujours en compagnie par Skype de Laura Blanc qui est là pour nous parler de tout ce qu'elle fait. Donc Laura, pardon ? Oui, je dis absolument et spéciale dédicace justement à mon chéri qui est le père de mes enfants et c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson parce qu'il adore Bob Marley. C'était pour lui, pour Thomas Roditi qui fait aussi du doublage d'ailleurs. Bien sûr. Et voilà, que j'embrasse. Eh bien, Thomas, on vous salue. Et si jamais vous voulez venir dans Chacun sa voix, ça sera avec plaisir que je vous accueillerai. Donc, j'en suis sûre. Laura, j'allais te demander, hein, parce que je ne suis pas original, j'allais te poser la même question qu'avant, pourquoi ce choix ? Tu y as répondu, pour monsieur. Et nous l'avons dit un petit peu plus tôt, tu es également directrice artistique, hein, tu en as fait un petit peu. Et pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne sauraient pas forcément ce qu'est une directrice artistique ou DA, comment tu expliquerais son rôle ? Bah, c'est un petit peu le chef d'orchestre, en fait. C'est celui qui connaît le produit, le téléfilm, le film, la série, qui a vu les épisodes avant, qui a distribué les rôles. C'est celui qui va te diriger dans ton jeu pour le bien du produit, quoi. Et donc, c'est un petit peu le chef d'orchestre. Voilà. C'est celui qui décide de tout, en fait. Enfin, presque tout. D'accord. Et justement, avant de faire de la direction toi-même, est-ce que c'était déjà une branche du métier que tu voulais explorer ou pas forcément ? Pas du tout. D'accord. Super. Non, mais moi, j'aime être comédienne. C'est ce que j'aime faire. C'est ce qui m'éclate le plus. Après, voilà, ce qui s'est passé, c'est que c'est la faute de Dorothée Pousséau que j'embrasse et que j'adore. Bien sûr, Dorothée. Non, mais... Un jour, elle m'a dit « Mais vas-y, il faut que tu fasses ce truc-là. J'ai un problème, je ne peux pas le faire. Ça serait bien que tu le fasses. Mm-hmm. » Je lui ai dit non. Elle m'a dit si. D'accord. Bon, dis d'accord. Voilà. On ne refuse pas à Dorothée Pousséau. C'est vrai. Et en fait, non, mais pour dire la vérité, j'avais pas spécialement... envie de diriger, mais donc du coup, avant, j'avais dirigé avant aussi une série. J'avais co-dirigé une série. On était à trois dessus. D'accord. Et bon, j'avoue que j'avais beaucoup aimé hein, quand même. Hein, je vais être honnête avec toi. Et que du coup, après, d'avoir dirigé ce téléfilm aussi, ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a plu, c'est de pouvoir maîtriser quand même du début à la fin un projet. Et de pouvoir y apporter un tout petit peu ma patte de par mes choix, en fait. Mm-hmm. Parce que c'est ça, en fait, le directeur artistique. C'est celui qui dit « ça j'aime pas, ça va pas, ça, il faut refaire ». Enfin, tu vois, c'est... Un autre directeur artistique aurait choisi d'autres choses, aurait okayé d'autres prises, peut-être. Ce qui fait qu'il aurait choisi d'autres comédiens qui auraient apporté une autre tonalité, une autre couleur. Et en fait, c'est pour ça que le directeur artistique est super important par rapport au choix du projet, parce que... Il va y apporter vraiment tout son savoir-faire, tout ce qu'il est. Il va, sans le vouloir, y apporter sa patte, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est chouette, en fait, dans la direction. C'est de voir aussi les choses prendre forme avec les comédiens que tu auras choisis. Et de pouvoir aussi emmener les comédiens là où tu as envie de les emmener pour le bien du produit. Toujours avec ce fil conducteur général. Parce que, en général, nous, on ne voit pas les choses qu'on double, si tu veux. On ne sait pas où va la trame. Mais ce qui est génial, c'est que c'est pour ça qu'il faut se remettre au directeur artistique. Lui, il sait pourquoi il te demande de le jouer de telle ou telle manière. Parce qu'il sait qu'il se passe ça, qu'à la fin, nanani, nana, donc ça serait bien de jouer sur cette corde sensible-là, d'y apporter un peu plus de ceci, un peu moins de cela. C'est ça qui est génial, en fait. C'est de pouvoir voir tout ça prendre forme et avoir un sens, si tu veux. C'est ça qui est génial dans la direction. Et puis de pouvoir se retrouver avec les copains et obtenir d'eux le meilleur, quoi. Bien sûr. Donc, du coup, le tout premier projet sur lequel tu as été directrice artistique, c'est le projet que Dorothée Pousséau t'a presque obligé finalement à diriger. Oui, c'était... mince, comment ça s'appelle ? Une série... c'était une série de 8 épisodes, je crois bien, qu'on a dirigée avec Alexis Thomasian et Mathias Koslowski. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'avais aussi un rôle, le rôle dedans principal, ce qui fait que quand... eux me dirigeaient quand j'étais comédienne, mais moi, je dirigeais aussi... en fait, c'était un produit qu'il fallait faire... assez rapidement, et donc c'est pour ça qu'on a mis les bouchées triples pour arriver à ce résultat là. J'arrive plus à me rappeler le nom d'un coup alors que je connais que ça pareil, mais c'était super et j'ai adoré faire ça, franchement c'était génial. Voilà. Et après encore une fois, Dorothée m'a dit non, mais vas-y, il y a ce truc-là qui arrive, ça serait bien que tu le fasses. Et voilà, je l'ai fait. Voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est finalement grâce à Dorothée Pousséo que tu es devenue directrice artistique un petit peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, là, en ce moment, c'est un peu plus calme parce qu'il y a un petit peu moins de travail avec la grève des comédiens aux États-Unis. Mm-hmm. On peut en parler hein, aussi, voilà. Et donc, en ce moment, ça ne se fait pas, mais j'aimerais beaucoup recommencer, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que justement la série que tu as dirigée avec Alexis Thomasian et Mathias Kozlowski, c'était en 2022, Wedding Season ? Oh, bravo, merci. C'est ça, ouais, absolument. Super. Et du coup, tu as dirigé quels étaient les comédiens, comédiennes présents et présentes sur ce doublage, du coup ? Bah, par exemple, j'ai dirigé Bruno Magne, j'ai dirigé il suffit que tu me demandes pour que j'oublie, hein, super. Oups. J'ai dirigé. Voilà, j'ai un blackout. Plusieurs comédiens. Ah oui, plusieurs comédiens. Voilà. C'est un... Et maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse, je te propose de revenir à ton côté comédienne en doublage. Quel a été ton doublage le plus difficile ? Je parle souvent du film Bully. Mmh. Parce que c'est vrai que c'était un film qui était assez dur émotionnellement. D'accord. Parce que c'était des jeunes ados dépravés dans la drogue, perdus, qui tombaient très très bas. Donc ça, c'était un doublage assez dur à faire. D'accord. Hostile, avec une autre comédienne que j'adore doubler, Rosamund Pike. Là, je me suis retrouvée en effet à 9h30 du matin, super contente d'arriver pour doubler Rosamund Pike, mais je savais pas que c'était hostile, tu vois. Elle perd son enfant qui se fait assassiner devant elle. Elle est complètement perdue et elle pleure, elle hurle. Ça, franchement, c'était des scènes un peu violentes. Auquel je ne m'attendais pas du tout, si tu veux, à ce moment-là. D'accord, oui. Ce n'est pas évident comme doublage. Bien sûr qu'il y a des films qui t'entraînent bien bas. Mais c'est notre rôle, on est là aussi pour les doubler. Hein. Ben oui, bien sûr. Et oui, en effet, pendant que tu répondais, j'ai regardé un petit peu Bully, car j'avoue que je ne connais pas ce film, et je vois certaines choses qui, en effet, je peux comprendre le côté dur du film. Là, tu prêtais ta voix à Bijou Phillips sur ce film. Non, ouais. Et oui, un film interdit au moins de 16 ans, qui est inspiré de faits réels, qui parle de meurtre. Oui, en effet, je comprends le côté qui n'est pas très joyeux. Oui, ouais, ouais, c'était deep. D'ailleurs, je raconte toujours cette anecdote, parce que... Donc Jean-Marc Pantier dirigeait ce film. J'étais avec Alexis Thomasian d'ailleurs. Oui. Et j'enregistre une première journée, plusieurs scènes évidemment, boum boum, bon. Et puis le lendemain, pareil, bon, ok. C'est un peu dur de descendre les étages, tu vois, d'arriver à aller choper ces émotions-là. Hein. Et puis je crois que le troisième jour, Jean-Marc est arrivé, à 9h30, il m'a fait « Bon, on va tout redoubler depuis le début. » D'accord. Parce que maintenant que tu as bien chopé le personnage, il m'avait fallu genre 2 jours pour descendre les étages, tu vois. Et je fais « Ah ouais, mais t'es sûr ? Ouais, ouais, on y va. » Et donc rouge. Et en effet, il m'avait fallu ces 2 jours pour descendre bien bas, dans la dépravation la plus totale. Et je me souviens qu'on avait fait quasiment des one-take après. Mais il m'avait fallu 2 jours pour les faire, hein. Ces one-take. Voilà, donc les one-take, pour nos auditrices auditeurs, c'est une prise unique. Et... Ouais. En effet, là, je vois aussi que donc l'actrice que tu doublais, donc Bijou Phillips, qui jouait le rôle de Alice Willis, donc la vraie Alice Willis dans l'histoire, qui a écopé de 40 ans de réclusion criminelle. Bon. Voilà, donc c'est dire ce qu'elle a fait, quoi. Hein, oui, en effet, c'était pas très joyeux. Donc je te propose qu'on parle d'un sujet un peu plus joyeux quand même, ça sera pas trop mal. Ouais, s'il te plaît. Et donc... est-ce que, même après plusieurs années dans le métier, le stress est encore présent avant de commencer un doublage ? On en a un petit peu parlé un peu plus tôt dans cette émission, mais est-ce que finalement tu es toujours aussi... Est-ce que tu es toujours tendu avant de commencer un doublage ? Alors, tendu, j'apprends à l'être de moins en moins, mais oui, bien sûr, surtout quand tu démarres quelque chose. Voilà, vraiment, d'abord, est-ce que tu as été bien casté ? Parce que si t'es pas bien casté, bah, c'est un cauchemar pour tout le monde. C'est un cauchemar pour le directeur artistique, parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. C'est un cauchemar pour toi, parce que toi, tu remplis pas le personnage, et tu sens bien que c'est un cauchemar pour le directeur artistique. Oui, d'accord. Et puis, quand tu sais que tu peux le faire, y a des jours, on n'est pas des machines, hein, on est bien moins sûr. Bien que d'autres. Hein, faut pas... On joue avec notre outil qui est nous-mêmes quand même aussi. Il y a des jours, on est moins disponible parce qu'on a des soucis, parce que la vie, quoi. Et puis, il y a des jours, tu n'as pas envie d'aller chercher des trucs parce que tu es juste heureux. Et puis, des jours, tu as envie de pleurer, mais il faut rire. Oui, et puis, bien sûr, tu as toujours envie de prouver que que le directeur artistique a eu raison de te choisir toi, donc tu veux bien faire, donc évidemment c'est toujours le souci d'être à la hauteur des attentes des autres qui t'ont fait confiance, bien sûr. Juste avant, du coup, pas juste avant, mais au début de l'émission, nous avons bien développé le sujet Jennifer Garner, j'ai envie de dire, comme quoi tu es du coup sa voix française officielle. Est-ce que tu as déjà eu la chance de la rencontrer? Écoute, non, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Non, ça m'est jamais arrivé. Je suis très triste, mais c'est comme ça. Non. Mais tu la retrouves sur d'autres productions, c'est un petit peu pareil, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas pareil quand même. Non, j'aurais bien aimé la rencontrer. J'aurais bien aimé, hein. Un jour peut-être, mais justement, quand tu retrouves Jennifer Garner sur un doublage, j'imagine que ça te remplit de joie et de savoir que tu vas t'amuser finalement. Oh oui, bah oui, bien sûr. Ah, mais je suis toujours contente de la retrouver. Retrouver une comédienne formidable déjà, c'est toujours du bonheur. Hein. Bien sûr. C'est génial, oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Tu n'as jamais rencontré Jennifer Garner, mais est-ce que tu as rencontré une actrice que tu as déjà doublée? Écoute, non. D'accord. Ah. Non, j'avoue, hein, ça ne s'est jamais fait, tu te rends compte? On envoie un appel, bien que je ne suis pas sûr que ça fonctionnera, mais voilà, si jamais... Hein, c'est bien dommage, parce que tu vois, là, je viens d'apprendre récemment que Christine Creux était là pas à Paris, mais à un salon, là, en France, je ne sais pas très bien où. Mais si je l'avais su... je serais allée la voir, quoi. Enfin, je sais pas, ou j'aurais peut-être tenté de la rencontrer, ouais, je sais pas. Parce que, tu vois, quand même, les États-Unis, Paris, c'est quand même... En effet. En effet. Ouais. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission, mais nous avons encore un tout petit peu de temps, donc je te propose, Laura, d'écouter la cinquième et dernière pause musicale que tu as choisie. On va écouter une fratrie, hein, The Isley Brothers, et le morceau intitulé Love the One You're With, aime la personne avec qui tu es, c'est beau, c'est romantique. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo, juste après ce morceau, pour conclure tout doucement cette très bonne émission, très belle émission avec Laura Blanc de Édition de Chacun sa voix. Fisted glove, and the eagle fly with the dove. You gotta love the one you're with. You gotta love the one you're with. Voilà un petit peu de musique soul dans cette édition de Chacun sa voix. C'était les Hailey Brothers et leur morceau Love the One You're With, une chanson sortie en 1971, choisie par mon invité Laura Blanc, comédienne de doublage et directrice artistique, qui est toujours avec nous pour nous parler de toute sa carrière. Laura, est-ce que tu es là? Oui. Oui, voilà. Ça met la pêche, hein, ce morceau. J'adore. En effet, ça met bien en forme. Et justement, hein, bah, je te pose pas la question, tu la connais ? Pourquoi j'ai choisi cette chanson ? Exactement. Eh ben, écoute, je pense que le message est... Je trouvais que c'était une belle note pour, comme dernière chanson pour notre émission. Voilà. J'ai trouvé « You gotta love the one you're with ». Voilà, c'est quand même super comme exactement. Message. Voilà. Donc écoutez ce conseil, auditrice, auditeur. « Love the one you're with », aimez la personne avec qui vous êtes. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Est-ce que tu as des projets futurs? Est-ce qu'on aura la chance de te réentendre bientôt dans une autre production? Si tu peux en parler, bien sûr, hein, car je sais qu'il y a des clauses de confidentialité. Oui, mais je ne peux pas le dire. Super. Non, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. J'aimerais pouvoir te dire ceci, mais... Ok, bah, au moins on sait qu'on aura la chance de te réentendre bientôt. Et si nous voulons te suivre, te retrouver, suivre ton actualité, est-ce que tu as des réseaux sociaux ou un site internet? Ben, j'ai une page Instagram, ouais, Laura Blanc _ officiel. Voilà. Où c'est vrai que justement, j'y mets à peu près toute mon actualité, les choses importantes. Je ne peux pas communiquer sur tout. Bien sûr. Mais les choses, les plus importantes, je communique dessus. Mais ça, il faut le temps. Tu vois, j'attends que les choses sortent parce que comme on est tenu par le saut de la confidentialité. Mais oui, je communique là-dessus sur tout ce que je fais qui sort. Ouais. Le secret professionnel, je sais ce que c'est également. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du coup? Oh, écoute, de continuer à suivre mes comédiennes et puis de faire un peu d'image maintenant. Un petit peu plus d'image, voilà. D'accord, bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Et enfin, est-ce que tu as une dernière chose à dire, un dernier mot? Non, mais si tu m'as appelé pour m'interviewer, c'est qu'il y a des gens qui sont touchés par ça et qui nous aiment et qui nous suivent. Et moi, en tout cas, moi j'aimerais les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Et c'est tellement génial de savoir qu'on suit et qu'on est dans la vie des gens. Justement, tu me disais tout à l'heure que je t'avais accompagné dans ta jeunesse, ou en tout cas que je t'avais accompagné sur des jeux et tout ça. Oui. Mais moi, je reçois beaucoup de messages auxquels je réponds, alors, sur Insta, en privé. de gens qui me remercient, ben, qui ont adoré tel ou tel doublage, qui, voilà, merci de m'avoir accompagné. Et en fait, moi, avant, ça fait quoi, un an et demi que j'ai ouvert ma page Insta, tu vois, donc c'est assez récent finalement. Oui. Je savais qu'on pouvait être dans le cœur des gens, mais je ne le savais pas à ce point-là. Et c'est hyper touchant, hyper émouvant, et l'idée me plaît. Voilà. Et c'est chouette de pouvoir être si proche des gens qui nous suivent. Voilà. C'est vrai, je suis bien d'accord. Oui, c'est aussi pour ça que, oui, en effet, je t'ai contacté, entre autres. Hein, je t'avais découverte sur un rôle de Jennifer Garner en tant qu'Electra aussi sur Daredevil. Et puis, j'ai suivi plus ou moins ta carrière depuis le temps. Et je suis très heureux d'ailleurs que tu aies accepté cette émission qui dure presque 1h45. Voilà, ça fait très plaisir. Donc, voilà, je te remercie, hein, Laura, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, mais ne quitte pas. C'est passé trop vite. Hein. Oui, c'est vrai, en effet. Et d'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après hors antenne. D'accord. Quant à nous, auditrices et auditeurs, on se retrouvera pour mes autres programmes. Vous avez l'habitude, la matinale du lundi au vendredi de 8h à 8h45 en direct, ainsi que à la rencontre d'auteurs. J'essaie de faire ça une fois par mois. Et Fréquence Libre en direct également de temps en temps. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Chacun sa voix. Évidemment, normalement, si tout se passe bien, ça sera en janvier avec une autre comédienne de doublage. Mais je laisse le suspense un petit peu planer. Voilà, vous découvrirez, vous serez tenus au courant en temps et en heure. Merci de votre fidélité à Radio Gémozo. Merci encore Laura. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée sur nos ondes. Tout dépend si vous écoutez cette émission quand elle est diffusée le jeudi soir ou alors en podcast. Et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures sur Radio Gémozo. Allez, salut tout le monde. Salut. The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried.